C'est une fille qui très gentille, René Marie, habite sous Gorue. Il fait couture, l'Henri Delry, Kaila Messi, ensemble avec Julie. C'est Amélie, qui a fait une mise en pli. Eline Vini, pour lui capable de faire une tragédie. Frère Henri, tombé couru, puis elle partit, tombé dans sa vendue. Cécile, Angéline, pour tête Henri, tombé fait jalousie. C'est Anne-Marie, qui courit pour Witi. Et Lilvini, qui courit la chercher la police. C'est nos villes, qui déchita, bien parti, la police débarque. Cécile, Angéline, pour tête Henri, tombé fait jalousie. C'est Anne-Marie, qui courit pour Witi. Et Lilvini, qui courit la chercher la police. C'est nos villes, qui déchita, pied parti, la police débarque. Anne-Marie courit, pardon, la police est pardon. Tout le monde relé, pardon. La police met bâton. Pour faire un coup, bâton. La police met bâton. Pour un tripotage, bâton. La police met bâton. Pour piler gazon, bâton. La police met bâton. Oui, un coup, bâton. La police met bâton. Pour tout le monde, bâton. La police met bâton. Bâton, la police met bâton.